عايش كان قلب لا my limits yeah. Every day and every night yeah. كنت يخف ما دو my feelings yeah. باش نعيش this fucking life yeah. Toute ton équipe est en Martinique. J'ai rangé le drapeau, sorti le 9. Va charbonner, arrête tes cliniques. Va célébrer cette fucking life. I gotta risk it all. I gotta risk it all. You gotta risk it all. J'dois tout risquer, j'dois tout risquer. I gotta risk it all. You gotta risk it all. You gotta risk it all. J'dois tout risquer, j'dois tout risquer. What's time we can do it? Yeah, I know I got the juice. Yeah. Moonwalk with the game. Hoist tchol li mahzouj. Yeah. Ma كنتفرقش من المزيكا بحال قاب مع الكدوب. Yeah. ولا شي نهار سولوك عليا قول لهم بعيدو ما محسوبش. Yeah. وباقي كنعطيهم الفاكس. Ma dire qu'il joue the best. Satisfaction to the max. نختار نفيد الكاس كيس بوما كاين باس بيتش I'm here to get the job done. كيس ماوني تشاف ناسهم العقل كيضرب وسط من راسهم. Yeah. Inside my head I got my demons. I'm blowing up, this is my season. Yeah. اما كنحنش I got my reasons. داكشي علاش عايش كنقلب على my limits. Every day and every night yeah. كنت يقف ما دو my feelings. Yeah, but she needs this fucking life. Yeah, toute ton équipe est en Martinique. J'ai rangé le drapeau, sorti le 9. Va charbonner, arrête tes cliniques. Va célébrer cette fucking life. I gotta risk it all. I gotta risk it all. You gotta risk it all. J'dois tout risquer, j'dois tout risquer. I gotta risk it all. You gotta risk it all. You gotta risk it all. Yeah. La rue ne forge que l'effort, je ne récompense que l'effort. L'eau ça est en plein essor, billet de toutes les sortes. A force de pousser mes limites, j'ai fini par les abattre. C'est des calories qu'elle élimine, quand elle me sessue dans son appart. Et ne tue pas ma vibe, regarde comment on se pavane. Comme si on en avait fini, avec les ravages de l'esclavage. Je veux juste combler mes failles, juste monter des bails, compter mes feuilles, arrêter de tromper mes femmes. Tomber les fils de qui ne font que raconter des femmes. Coco rasé à blanc, son casquette Versace met du sang. Fais tourner des plans avant, ou nique ta remet comme il est d'usage. Posé à Casa, Chirac monté et je mange mes Chewbacca. Bidon d'essence et je la fille. Aïe, j'kanqlib ala my limits. Every day and every night yeah. Can't check if I do my feelings yeah. But she needs this fucking life yeah. Toute ton équipe est en Martinique. J'ai rangé le drapeau, sorti le 9. Va charbonner, arrête tes cliniques. Va célébrer cette fucking life. I gotta risk it all. I gotta risk it all. You gotta risk it all. J'dois tout risquer, j'dois tout risquer. I gotta risk it all. You gotta risk it all. You gotta risk it all. J'dois tout risquer, j'dois tout risquer.